raison pour être qu'à douter. Si nous toujours qu'à attendre, c'est parce que l'amour a qu'à pousser qu'on gagne. Même si nuage vini gris, c'est pas une raison pour nous rester aigris. Na na na. Ça comprend.